Bonjour. Yes. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, le 14e. Le 14e numéro. Ouais, ça va. Bon, le ça temps file comme des voitures, comme dirait Neg Marron. Quatre invités, comme à l'accoutumée. Je vais faire un tour de table rapide. Nous sommes avec Simon Astier. C'est les applaudissements. Comment ça va, Simon? Ça va. En fait, je viens de comprendre. Ouais, parce qu'il y a un jingle en post-prod. Non, je viens de comprendre qu'en fait, à chaque fois, tu dis le 14e numéro. Ah, oh, il a grillé la vanne. Non, mais foutez-vous de ma gueule. En fait, moi, j'ai cherché comme un connard les autres. Ah merde, putain. Bah du coup, je m'excuse envers toi et. Mais c'est marqué dans le titre des. Ouais. Dans le titre des épisodes, c'est marqué le vrai numéro. Et donc, c'est quoi le but de ça? Ouais. De cette blague, tu veux dire? Ouais. Essayer d'apporter un peu de joie aux gens, mais chez toi ça ne marche pas du tout, apparemment. Tu me rabaisse, c'est ça que tu veux faire? Non, pas du tout. Alors moi j'avoue, j'avais pas compris. Mais tu écoutes même pas le podcast. Non, mais parce que moi, vraiment naïf, j'ai cru que c'était le 14e. Non, ce n'est pas le 14e. Alors Simon, pour les gens qui ne te connaissent pas. Moi je vous écoute vraiment toutes les semaines. Bah écoutez, ça nous fait grand plaisir, Simon. Ça nous fait un très grand plaisir. Et ça me fait très plaisir que tu viennes, parce que c'est toujours un peu compliqué de t'avoir, parce que tu es très occupé. Bah ouais. Ah, est-ce que tu peux du coup nous dire ce que tu fais en ce moment pour c'est les gens qui ne te connaissent pas, tout ça? Eh ben, c'est les playoffs. Aujourd'hui, j'étais avec Adrien Méniel. Entre autres. En train de tourner pour Golden Moustache. Yes. Le deuxième prime time du sketch show. Yes. Voilà, c'est pas dans l'ordre. Et c'était vraiment très bien, c'était très drôle. Cool. Je prépare le retour des Recorp, la fin des Recorp. Et Recorp, ta série? Exactement. La cinquième saison qui sera la dernière, que j'ai commencé à tourner, j'ai eu un problème de santé, j'ai failli décéder. D'accord. Et donc du coup, je me suis remonté, j'ai quand même vécu une sale année. Comme, on disait avec. Même pas 5 minutes d'antenne. Et là, du coup, bah, je me remets, c'est un peu de renaissance. Et donc, du coup, je reprends à la fin du mois de mai. Trop cool. Plus fort que jamais. Est-ce qu'on pourrait dire plus fort que jamais. Un peu comme sur une affiche de Jean-Claude Van Damme. Il revient plus fort que jamais. Exactement. Ton animal totem sera-t-il le phénix? Un peu. En partie, en tout cas. Nous sommes avec Nicolas Bernot. Nicolas Bernot, présente-toi. Toi, tu étais déjà venu dans une émission. Oui, dans le numéro 4, moi. Voilà. Non, c'était le 14e, je crois. Tu étais venu dans le 14e. 14e. Et tu es. Ça va, fais passer de gueule, Simon. Les gens ne l'entendent pas, mais t'es vénère sur cette vanne. Tu la détestes. Parce que vraiment, j'ai cherché. Je te jure. Il déteste perdre son temps. Parce qu'on le rappelle, t'as eu une année assez occupé, difficile. Ouais. Une année très difficile et puis je suis vraiment occupé. Ouais. Donc, Nico, présente-toi. Tu es comédien, auteur. Oui. Et tu as sorti une vidéo. Bah, présente-toi, du coup. Tu as sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps. Oui, qui s'appelle Jojo, que tu as réalisé d'ailleurs, petit filou. Flaubert. Tu m'as montré du doigt, moi. Oui, j'ai montré Flaubert, en fait, du doigt, pour la 14e fois. voilà, qui s'appelle Jojo. Non, puis ça marche bien, c'est cool. Ça marche très bien, je suis très content de l'accueil. Voilà. Voilà, et t'as d'autres trucs dans le pipe ou pas du tout? J'ai d'autres trucs dans le pipe. En fait, c'est mon deuxième podcast, des trucs dans le pipe. On parle actu et. Il y a vraiment une expression regarde par épisode. Ouais. La dernière fois, c'était délire génial. C'est ce que j'allais dire. En fait, ce que j'allais dire, c'est que dans des trucs dans le pipe, on passe des délires géniaux en règle générale. D'accord, bah oui, d'autres trucs dans le pipe. d'écriture. Mais t'es aussi dans le sketch show. Et je suis aussi dans le sketch show, j'ai eu le plaisir hier. On a joué hier, moi j'ai fait deux jours là. D'accord, ok. Coup sur coup. Propre. Et toi, t'es dans des parodies, je crois aussi. Je suis dans deux sketchs du prochain sketch show. Ok. Coolax. Voilà. Donc je suis très content. et puis pour ce qui est du pipe, hein, puisqu'on était sur. S'il y a un truc dedans. Vide le pipe là. Hein. Ouais, je vais tout vider. Il y a de l'écriture. Hein, voilà. Cool. Puis il y a d'autres endroits où je vais jouer. Notamment. Bagel, c'est du Bagel, je crois, non? Bagel, entre autres, ouais, je vais faire un Batman. Oh putain, le mec spoil de ouf. Les mecs me copient de ouf. Ouais. Les mecs ont copié qui ça? Transition. Adrien Méniel. Hey. Bonjour Adrien. Le sniper. C'est le sniper. Laurent Baffy. Et voilà. Il adore à chaque fois. Mais on se retrouve aussi dans l'émission des trucs dans le pipe. Ou pareil, tu désingues l'actu, je crois. T'as ta chronique, où tu Alors parles là, politique. Ouais. Je lance ma chaîne, c'est du fast cam, tout le monde en prend pour son grade. Les Hanouna, les Joystar, qui tapent des gens, apparemment. Moi, je laisse pas passer ça. Est-ce qu'on t'appelle l'enculé du web? Yes, ouais. Ma page. Le gros enculé du web, vous pouvez liker des vidéos marrantes. Et t'as eu un diplôme aussi, je crois. Ouais. Mais je vais pas, je vais arrêter là. Okay, donc Adrien, pareil, toi t'es beaucoup dans le sketch show, je crois, c'est cool, tu fais des trucs dedans. Pas mal, ouais. Notamment, on a tourné vendredi dernier Le mec qu'on écoute jamais dans les films 2. Ouais. Et je pense que ça va être sympa, j'espère. Bah j'espère, écoute. J'en écris un dedans. Exact. Ouais. Et Like Me qui va sortir bientôt. Oui, la série pour Disney Channel, dans laquelle il y a Bernot qui est là. Ah putain, Champ Max. Et Greg Romano. Et Greg Romano. Vraiment. Voilà. un casting. Bah, on s'est dit que ça serait un... Enfin, que c'était bien de jouer dans cette série, vu que Simon a quand même passé une année un peu difficile. Et que t'es un grand fan de Disney Channel, tu regardes pas mal. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, ça pourra te réconforter un peu du coup, de nous voir à l'antenne. Putain, ouais. C'est moins drôle que d'habitude quand même. Hein, d'habitude, c'est quand même au-dessus du... Mais c'est quand t'es dedans, tu le sens moins. Ah et oui, après, les gens, ils passent, bah, ils passent des délires géniaux. Là, ça va vite être délirant et génial. Non, il y a ça, et puis bah, il y a d'autres trucs dans lesquels je vais jouer. Je sais pas si je peux en parler. Mais du coup, tu prends des... Ah bah ouais, oui, oui. Ah oui, j'ai compris. Ça m'a fait un clin d'œil. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais, on a écouté. Vous teasez un peu, vous teasez un peu. Je sais pas si j'ai le droit. Peut-être un truc qu'on pourrait faire ensemble. Ouais, peut-être. Une petite série sympa dans laquelle j'ai un rôle sympa. Là, on se regarde droit dans les yeux avec Simon. Si on a un indice de quoi. En fait, je sais pas si à l'audio ça se retranscrit, mais il y a une superbe tension visuelle. Ouais, en tout cas, pour les gens qui sont autour de la table. Et nous sommes également avec Anne-Sophie Girard. Ouais, oh, ouais. Ouais. Ouais, Anne-Sophie. Bravo. Tout à l'heure, c'est moi qui fais les bruits sexy, genre oh, merde. J'en avais fait aussi, mais ils ont été moins remarqués du coup. J'en avais fait 2-3 moi. C'était moins sexy. Ouais, c'est ça, c'était moins. Mais c'était des bruits quand même. Anne-Sophie, présente-toi pendant qu'ils ne te connaissent pas. Tu fais plein de choses. Ouais. Là, qu'est-ce que je fais en ce moment? Je prépare la saison 2 de La Petite Histoire de France. D'accord. Voilà, pour W9, qu'on tourne cet été, là, bientôt. Et quoi d'autre? Bah, mon one man show aussi. Anne-Sophie Girard fait sa crâneuse. One woman show. Non, alors moi je dis one man show. Non, toi tu dis one man show, d'accord. Parce que je différencie pas. Je ferme ma putain de gueule. D'accord. Boom. Oh. Bim. Ok, on est là, on est dans le débat. Bim. Okay. Dès le début. Donc, tu vois, non, au point virgule. Et puis quoi d'autre? Je prépare. Et puis oui, pour les gens qui ne connaissent pas, tu écris oui, aussi. J'ai écrit La Femme Parfaite. Plusieurs livres. Exactement. La Femme Parfaite est une connasse. Un et deux. Et là, on prépare la deux avec l'adaptation BD avec Margot Motta. D'accord. Okay. Voilà. Okay. On a quand même vendu des millions de livres. C'est-à-dire que nous, à côté, on est juste... Enfin, en tout cas, surtout vous êtes vraiment... gros loser. Ouais, c'est la grosse merde. Ce Bah écoute, j'ai l'impression qu'elle a plein de trucs dans le pipe. C'est plutôt cool. Quoi. C'est, voilà, on n'a pas tous la chance d'avoir plein de trucs dans le pipe. Ah merde, pourquoi ça fait tout de suite super cochon? Elle a plein de trucs dans le pipe. Le pipe est vraiment très... Ouais, c'est ça. Ouais. Elle fait du pipe. Il y a, comment dire, en termes de webbiz, il y a Natou, je crois, qui a fait genre beaucoup de ventes aussi sur son bouquin. Avec je crois. Icon. Oh, beaucoup moins. Ouais, mais comparé à Enzo, ça a quand même rien à voir. Oui, c'est vrai. Non, non, en plus, là, elle est aussi dans le top 10 cette année. On a fait, tu sais, la photo de l'Express, là, avec tous les best-sellers. Alors, c'est très bizarre de voir Enjoy Phoenix, Natou, moi. Ah, oui. Et Amélie Nothomb. Et Amélie Nothomb, voilà. Donc, c'est toujours un peu. Là, on fait juste une liste des gens qui ont plus de succès que nous, en fait. Exactement. Donc, une émission très longue. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans cette dans ce podcast. Ouais. Ça fait toujours plaisir. On va commencer avec le traditionnel tour de table. En fait, à chaque fois, on fait un tour de table pour parler des trucs récents. Adrien a quand même dit oh merde alors qu'il vient chaque semaine. Il a pas révisé. Il a pas révisé. C'est ça. Et voilà des trucs si en termes de ciné, musique, BD, livres ou tout ça mélangé. Je vais faire dans le même ordre. Simon, est-ce que tu as vu un truc cool récemment? Alors moi, comme je suis vraiment un grand fan de l'émission, j'ai écouté la semaine dernière et vous avez parlé des Visiteurs 3 que personne ne l'avait vu. Mais oui, c'est vrai. Et on s'est moqué sans l'avoir vu. Tu l'as vu? Donc, moi, j'ai fait des voix dessus. Oh. Regarde-le, il prend sa voix. Moi, j'ai fait des voix dessus. Bonsoir à tous, j'ai fait des voix. Il double Jacouille tout le long. T'es impressionné. Hein. Pas vraiment. Alors, je suis allé le voir un peu comme un reporter pour l'émission. Non, bah merci. Putain, mais bon, cool. J'ai quand même payé ma place. Ah, t'as pas une carte? Non. D'accord. Et en fait, donc j'ai vu les Visiteurs 3. D'accord. Il y a un suspense incroyable. C'est tout, je suis sûr que tu joues du suspense, non. Mais qu'en fait, t'as trouvé ça pas si mal. Non, mais en fait, les Visiteurs 3, je sais. Alors, on est un peu tous de la même génération, sauf Flaubert, qui pourrait être notre fils à tous. C'est vrai. Mais je pense qu'on a quand même été bercé par les Visiteurs 3. Ah non, moi aussi, à fond. De ouf. Et il y a du plaisir à retrouver les personnages. Ils sont limite peut-être pas assez là dans le film. D'accord. Et je pense que c'est très à la mode de chier sur les Visiteurs 3. Moi, je trouve que bizarrement pour les baskets sont plus à la mode que chier sur. Bah ça va être m'interrompre. Les Stan Smith. Les Stan Smith sont plus à la mode en ce moment que les Visiteurs 3. Je crois. Hein. Non mais franchement, je trouve que il y a des acteurs dans ce film qui jouent très bien. D'accord. Il y a Zinou Testu qui joue très bien. D'accord. Il y a Nicolas Vaud qui est vraiment exceptionnel. Ah, Nicolas Vaud est très bon. Ouais. Mais oui. Ouais. Mais il y a quand même. Enfin, ça joue. Et puis c'est quand même. Je sais pas. C'est pas bâclé. Voilà. D'accord. C'est pas les Bronzés 3, je trouve. D'accord. Okay. Ils ont voulu faire une suite. ils expliquent et ils se jouent de l'espèce d'ellipse qui est entre le 2 et le 3. Mmh. Et voilà, après, je dirais pas ce que j'ai pas aimé parce que j'aime pas ça, mais en tout cas, j'ai aimé plein de trucs dedans. D'accord, ok. Bah oui, parce que nous, en fait, on l'avait pas vu et juste on en blaguait. Parce que ça, de loin, ça donne pas méga envie quand même. Ah ouais ? Bah, la bonne annonce avec Lil Jon et. Déjà, quand la bonne annonce dure 57 secondes, c'est que t'as l'impression qu'il cache un peu des trucs. Pour resituer. Simon adore l'album de Tony Parker. Attendez. Et là, on est à 3 attendez, minutes. On a voilà. attendez. Je crois que j'ai l'impression qu'une parenthèse va s'ouvrir. Juste, ouvrons une parenthèse sur le fait qu'à partir de dorénavant, on arrête complètement les vannes sur Tony Parker. Okay. Et je vais juste répondre à Adrien Méniel. Est-ce que tu dirais que c'est une mode à son insu sur Tony Parker que j'ai une information sur Adrien Méniel. Oh merde. Ah oui, je pose une information sur Adrien Méniel. Est-ce que je la dis maintenant? Oui. Non, bah si jamais il retente une vanne sur Tony Parker, ce que j'espère il fera. Alors attention parce que ça va vraiment demander beaucoup d'explications, mais Adrien Méniel. Ah oui. Yesh. Ah oui. Dans sa mère. Ouais. Ouais. Dans le ventre de ma mère. Il a Yesh dans le ventre de sa mère. T'as Yesh? Sérieux, t'as Yesh dans ta mère? Ouais. Exact. Pas récemment, hein. Vraiment avant ma naissance. Et t'oublies un détail de taille. Ouais. C'est qu'il en a ingéré un peu. J'en ai ingéré un petit peu. Et on parle de manger. Ouais. Du caca. Et avant même d'être une personne qui foule cette terre, j'ai mangé du caca. Voilà. Donc voilà, ça t'impose un peu je savais pas non, je un degré d'humilité. Comment tu peux savoir un truc comme ça? Mère me l'a dit. En fait, on va rentrer dans les détails. Elle est sympa. Oui, mais... vraiment. Un bébé qui est... Plus t'expliques, plus c'est drôle. Plus on s'imagine le truc. Toi, dans ta tête, j'ai une serviette autour du cou et une fourchette et un couteau. Quoi. Cela dit, on n'était pas loin avec le petit taille qu'on s'est commandé. Là. C'est une private joke. Mais... non, en fait, les bébés qui sont en détresse dans le ventre, ils sont pas bien, chient. Parfois. C'est comme ça qu'ils expriment. Ils chient quoi? Ils chient en fait le. Ça s'appelle du myconium pour. Ah oui, bien sûr. Le caca. Oui, oui. T'es sûr que c'est du myconium? C'est pas un truc qui commence par col, je sais pas quoi. C'est le caca de bébé dans le ventre. C'est le truc tout noir. Voilà. D'accord. C'est le myconium et ils mangent j'allais dire le liquide séminal. Non. le liquide amniotique. Après, peut-être quoi. T'as mangé aussi ton liquide séminal dans le ventre de ta mère. C'est une possibilité. Beaucoup plus tard. Non, mais en 2008. Tu ingères le liquide amniotique, je crois que c'est ça le terme. D'accord. Tu en avales un peu et tu fais caca. D'accord. Et après, du coup, dans l'emballement, tu ravales. Ah oui, tu l'as ingéré, c'est-à-dire que ta mère n'a pas éjecté et toi et un peu de ta mère. Non, en gros, je suis né, ma mère m'a fait manger mon caca pour me donner une leçon, quoi. Ouais, tu l'as mis le nez dedans. Et... Non, non, en fait. Ah, c'est drôle. Ah putain, vraiment, dès le début, on fait une énorme parenthèse, mais ma mère m'a raconté ça. Ma mère est assez jeune. Ma mère m'a raconté récemment que, parce qu'elle m'a eu très jeune, elle m'a eu à 19 ans, et que quand j'étais petit et que je faisais à côté du pot ou pas dans le pot, Elle me mettait la tête dedans comme un comme un petit chien. Elle a vraiment eu besoin de me le dire et je lui dis mais maman, je n'en avais aucun souvenir. C'est très bizarre de me le dire maintenant, mais elle avait besoin de l'exprimer. Mais pour elle oui, parce qu'elle avait honte. Oui, mais coup j'ai pas su prendre l'information. J'ai fait c'est horrible, mais en même temps je m'en souviens pas. Donc, Et ça forcément aujourd'hui t'as les traces de ça. Bah ouais, sur le front. Bah déjà ouais. Mais tu crois vraiment? Je vais parler football. Tu crois vraiment? Moi, je me dis. Forcément, c'est imprimé quelque part. Dans ton inconscient, ADN. Tu veux dire? Non. Ouais. Est-ce que ton manque de confiance en toi vient de là? Non, ça vient du collège, plus, je pense. Et qui te faisait la même chose. Et qui faisait la même chose. Mais c'était pas ma merde, c'était ça. Mais. Pardon. Et du coup, toi, Adrien, du coup, toi, est-ce que t'as pas eu tout de suite un peu le goût amer dans la bouche de la vie? Bah c'est ça, hein, ça t'apprend l'humilité très rapidement, je pense. Hein. Non, je suis né avec des boutons, du coup. Ah, ça donne des boutons de manger sa merde? Non, mais on peut le dire peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent. Apparemment, j'ai pas renouvelé l'expérience, donc je peux pas. Voilà. C'est là où tu vas pas au bout. Là où c'est un peu dommage. Mais oui, je suis né avec des boutons et pas bien déjà, pas bien dans la vie quoi, dès la naissance quoi. Ah ouais, mais bon, quelle idée de manger de la merde avant de. Oui, écoute, on s'occupe comme on peut. Non, voilà. Donc... Non, mais ce qui est super touchant, c'est qu'il était stressé. dans le ventre de sa mère déjà et qu'il a chié. C'est dit, j'ai un trac. On dirait une petite bête en fait, sans mais défense. En fait, bah ouais. On dirait un peu un artiste qui, avant de monter sur scène, Jacques Brel vomissait. Ouais. J'étais le Jacques Brel, mais de la vie. La scène, c'était la vie. Quoi. Si l'Olympia, c'était une chatte, c'est celle de ta mère. Voilà, on peut dire ça. En plus, les rideaux. Tu dis artiste, je crois qu'en psychanalytique, le caca, c'est le début de la création en fait. C'est le premier truc que tu montres à tes parents. Ah ouais. T'es fier en fait de ce que tu viens de faire. Donc je pense que c'était déjà un artiste avant de naître en fait. Et là, moi, je l'ai montré à personne. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait ça pour moi. J'ai effacé toute trace en l'avalant. J'imagine le Du coup, je bosse en solo. C'est de l'éphémère, en fait. J'imagine les docteurs regarder sur l'écran, genre, bah là, il mange sa merde. Il est en train de se nourrir de ses excréments. On va pas le déranger tout de suite. Voilà. Non, mais faut que vous le sachiez avant qu'il sorte, quoi. C'est-à-dire qu'il mange sa merde, apparemment. Voilà. Un petit peu de musique. Donc, les visiteurs 3, c'est bien. Après ce petit virage. Je dis ça que c'est pour tous les nostalgiques des visiteurs, il faut aller le voir. Et que franchement, je trouve ça nul de chier sur le travail des autres. Je trouve que c'est. Mais tu sais, dans le podcast, en plus, à la base, dans ce podcast, on dit ce qu'on aime. Voilà. Tu vois, on dit jamais ce qu'on déteste. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une part de nostalgie qui est vraiment comblée quand on va le voir. Et je terminerai par Le Sommet des Dieux, qui est un manga. D'accord. En 5 tomes de. C'est un Astérix. Non. Il a soufflé des lèvres, tellement il a pas aimé. Un manga one. Et c'est vraiment bien, c'est Taniguchi. D'accord. Et ça parle d'alpinisme, c'est une enquête sur deux époques, c'est 5 tomes de 500 pages. Ah oui, d'accord. Vraiment où t'as envie de mourir en fait. D'accord. Mais ouais. C'est extraordinaire et j'ai pleuré à la fin. Putain, propre. Pourquoi propre ? Bah, c'est. je trouve ça plus difficile propre, qu'une œuvre te fasse pleurer. J'ai jamais pleuré devant une BD de ma vie. C'est ça, une BD. Moi, il y a quand même y a un ou deux Astérix qui m'ont tiré les larmes, mais parce que voilà. Mais sinon. C'est haletant. Bah, quand il dit il est gros et l'autre il dit qui est gros, quoi. Ouais, ça, moi, tu sens qu'il y a une blessure, quoi. moi, je suis triste. Non, mais sans déconner, moi j'étais triste petit sur Astérix et Obélix quand ils se disputent. Quand ils se collent le nez au nez. Ah non, mais quand il y a la phase où ils font du boudin et après ils se réconcilient, ils pleurent tous les deux, quoi. Oui. Et moi je me disais, putain, être pote, c'est cool. Des bons potes, ouais. Ouais, des bons potes. Mais pardon, on a dérivé. Comment s'appelle le manga ? Énormément de mépris. Nicolas Bernot, oui, qu'est-ce que tu as vu récemment ? Je suis comédien. Qu'est-ce que tu as vu, lu, écouté récemment qui était cool ? Alors, je suis beaucoup sur Netflix. Je suis un peu accro à Netflix en ce moment. J'ai vu plusieurs choses sur Netflix très bien. J'ai vu un truc assez glauque, mais quand même intéressant. Ça s'appelle Auschwitz, la solution finale. C'est un sitcom. C'est une sitcom. Franchement, c'est très dur, mais c'est très intéressant parce que ça explique vraiment de A à Z comment ça s'est construit. Ouais. Ensuite, il y a Fresh Dressed. D'accord. Qui est un super documentaire sur l'influence du hip-hop dans la mode. Ah, nos délires, hein, du coup. Oh, complètement. Complètement. Faites gaffe à pas alterner, vraiment, parce que. Finissez l'un. Parfois, tu fais yo, Troisième Reich. Ouais. Non, ça marche pas. Il y a des zones de chevauchement, mais c'est assez éloigné, les deux. Après, il y a Hoop Dreams. J'en mets. Yes. Ça, extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu l'as aussi, ouais. C'est bon. Un documentaire donc, qui suit le parcours de deux adolescents. Qui rêve d'entrer en NBA. Le documentaire date de 94, donc on est en plein dans la NBA mania. Bienvenue dans la petite chronique de Nicolas Bernot. C'est assez dur parce que ça montre à quel point ton milieu te rattrape. Sur un ratio de Auschwitz, par exemple. C'est compliqué à juger. Ça montre à quel point c'est dur d'échapper à son milieu, même quand tu as énormément de volonté. Mais voilà, c'est un très beau documentaire. J'ai vu aussi un très beau film qui s'appelle Les Lundis au Soleil avec Javier Bardem, qui est aussi sur Netflix, qui est un film un petit peu, c'est un drame social, ça date de 2002. D'accord. Il y a des très très bons acteurs espagnols dedans et ça, on peut faire une transposition avec, le film pourrait être un portrait de gens après ArcelorMittal. Là, ça parle d'un fait qui a existé en Espagne, une grande grève sur un chantier naval. Et on suit le parcours de ces 5 hommes qui ont été licenciés après cette grande grève. Donc, c'est pas super réjouissant, mais c'est quand même un très beau film. C'est un autre délire que Les Visiteurs 3. C'est, voilà. Si on n'est pas chocho sur Les Visiteurs 3, il y a 2-3 docus du père Bernot qui sont là. Vous pouvez vous mater tranquille. C'est un peu cynique. Voilà. Non, mais, mais voilà, il y a ça. Et ensuite, en BD. J'ai lu une BD qui s'appelle Mauvais Genre, malheureusement j'ai pas l'auteur, qui retrace l'histoire vraie d'un homme qui pour déserter l'armée pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il avait déjà vu l'horreur de cette guerre, s'est fait passer pour une femme pendant toute la période de la guerre. Et il, à tel point que, en fait, il a voulu rester une femme et vivre pleinement ça pendant toute la durée de la guerre. Il était avec sa femme et puis à un moment donné, il a découvert qu'il aimait ça. Il était dans la communauté du Bois de Boulogne, qui n'était pas une communauté pas glauque comme aujourd'hui, en fait. Mmh. C'était plus un lieu de liberté, puisque l'homosexualité et la sexualité un peu extravertie étaient tabous à l'époque. Et Clavier joue quoi dans celui-là? Il y a juste la sorcière, en fait, qui restait dedans. Et voilà, donc ça, super. C'est une BD de, je le dis, si vous le cherchez sur Google, de Chloé Cruchaudet. Voilà. Inspirée des essais des historiens Fabrice Virgile et Daniel Voldman. Et c'est incroyable. On voit la photo du vrai mec au dos. D'accord. C'est fou comme histoire. La BD est magnifique en termes de dessin. On a vraiment l'impression de suivre un film. Et tu parlais d'émotion. J'ai eu vraiment... Les poils, t'as eu les poils. J'ai eu les poils, ouais. Voilà. Okay. C'est une très, très, très, très bonne BD et une histoire assez incroyable. D'accord, bah écoute. Et en musique, l'album de Tony Parker, évidemment. Attendez, on a fait un pacte. On a fait un pacte. Non, alors déjà, on n'a rien promis. Non. On a rien promis. Bah non, j'ai rien. Il faut une vanne, une anecdote. On a rien promis déjà. Rien promis, on promet rien, nous. Ah, justement, je vais rajouter une petite parenthèse. Ah, nickel. Sur Netflix, parce qu'il en parlait justement, le documentaire sur les Backstreet Boys. Ah, alors il est bien. Je l'ai mis dans ma liste, moi. Ah, c'est le truc. Je le mets dans la mienne. Triste. Qui existe au monde. Il y a quand même le truc sur Auschwitz qui peut-être peut-être rivalise. Et ben c'est pas dit. Parce que les Backstreet Boys, mais les Backstreet Boys, ils ont tellement souffert dans leur enfance, dans leur vie. Mais non. Et c'est construit, alors évidemment, c'est construit à la ricaine. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment construit comme un film. Il y a des événements, il y a un truc qui est lancé, une espèce de countdown terrible pour un des membres pendant le truc, parce qu'ils reforment le groupe et ils refont un spectacle pour les 20 ans et on les suit et on voit des scènes où ils se déchirent ou machin, c'est incroyable. Ah ouais. D'accord. Et c'est vraiment le truc le plus triste que j'ai vu. D'accord. Et pourtant, on sait que t'as quand même une année et Dieu sait que j'ai une année difficile. Je suis allé voir le dernier film de Sacha Baron Cohen, Grimsby. Alors, ça m'avait fait peur, la bande annonce. Grimsby. Ça donne quoi alors? Alors, j'ai ri beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup. Mais c'est un rire de ils l'ont fait. Mais en vrai, c'est pas fou. Ah merde, c'est les cons, ils ont osé quoi. C'est ça, c'est réalisé par Louis Leterrier, donc le mec qui a fait L'Incroyable Hulk, Le Choc des Titans, Insaisissable et Transporteur. Le Transporteur est juste pour la petite anecdote, parce que c'est toujours marrant, qui est le neveu de Laurent Fabius. Danny the Dog. C'est toujours un peu rigolo de savoir ça. Ça ne change rien à son travail, mais je trouve ça drôle. Transporteur. Arrête maintenant. Danny the Dog. Arrête putain, c'est chiant de ouf. Il a acquiescé, vraiment, il a pris note. Et donc voilà, il réalise le film de Sacha Baron Cohen, Jet Li, qui n'est pas My Wife. C'était une imitation de Sacha Baron Cohen. Yeah, c'est vrai, mon pote. Non, vraiment. Mais il le tient bien, il le tient vachement bien. My Wife. C'est vraiment gênant. C'est très gênant. Ça m'a vieilli. Je pourrais le faire 10 minutes, mais je vais pas. Et ben là, c'est pas une caméra cachée, c'est plus comme The Dictator ou Ali G. C'était bien The Dictator. Ah non. The Dictator, c'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé, mais j'étais déçu. Mais parce que t'es sec en fait. T'as pas d'émotion en toi. Moi j'adorais Borat et Bruno, mais j'ai été déçu par le Dictateur. Mais je crois que c'est à cause de la promo. J'attendais énormément et j'étais déçu. Quand il fait de la tyrolienne d'un immeuble à un autre et qu'il y a un plan tub et qu'il arrive avec sa tub avec tous les poils autour et tout, c'est quand même vachement drôle. Tu me l'as vendu. Non, mais les plans tubs dans les films sont souvent très très drôles. Bah, les plans tubs dans Bruno sont vachement plus drôles. Les plans tubs dans Bruno sont extraordinaires. Il y a le plan tub de Sarah Marshall qui est un de mes préférés. C'est celui où il y a Jason Segel qui s'engueule avec sa meuf et il est à poil et il pleure à poil et c'est un des trucs les plus drôles que j'ai vu de ma vie. Et tu sais qu'il l'a vraiment vécu en fait. Il en parlait avec le réalisateur, il s'est fait larguer en étant à poil. Et c'est hyper humiliant de parler à ta meuf, t'es à poil et elle te largue. Ah ouais, il l'a vraiment vécu dans le film, c'est génial comme scène. C'est très drôle. Bah là, alors tu vas peut-être aimer Grimsby, parce que c'est en fait, il y a cinq. Il y a des plans tubs. En fait, il y a cinq grosses scènes très trash, très horribles, et autour, il brode un peu. Et du coup, c'est ça où tu fais, bon, bah j'ai pas vu un bon film à la fin, parce que tu te dis, bon, bah c'était pas. Voilà, je m'en souviendrai pas des masses, mais t'as quand même cinq scènes. J'ai pas envie de vous en spoiler si vous allez le voir le film, mais comment je pourrais résumer un peu l'esprit? Il y a une scène qui est dans la bande-annonce, peut-être je peux le dire du coup. Ouais, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'il y a beaucoup de blagues qui vont être datées très vite. T'as beaucoup de trucs de. Des références Voilà, des références ultra ringardes, c'est-à-dire qu'ils seront ultra ringardes. Juste ils ne le sont Bieber. Pas pour le moment. Merde. Presque en fait. En gros, à un moment, il fait. Ah, j'ai déjà. Laurent Fabius. Super dur. Non, mais en gros, à un moment, il fait. À un moment, il fait. Il dit, à un moment, Sacha Baron Cohen dit. Ah oui, il faut que je drague cette meuf. Et la meuf dit oh non, mais vous inquiétez pas, j'ai l'habitude des gens chelous ou des pervers sexuels. J'ai connu Bill Cosby. Donc tu dis ok, ah, ouais, cool, ouais. Mais ça va être daté dans 5 ans, tu vois. Oh, oui, bah, j'espère pas, parce que ce serait vraiment horrible qu'on oublie que le mec a violé 50 femmes dans 5 ans. Ouais, mais en vrai, c'est comme les blagues sur DSK ou les trucs sur DSK. Et donc, pour revenir à Grimsby, genre, t'as une scène, je spoil une scène. Mais parce qu'en fait, je vous la spoil, mais t'as envie de la voir. Vas-y, vas-y. Où en fait, ils sont poursuivis par des méchants, et ils essaient de se cacher, et ils se cachent dans le vagin d'un éléphant. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un autre éléphant qui est en rute et qui veut baiser l'éléphant. Donc, il y a un plan top d'éléphant. T'as un plan intérieur de vagin d'éléphant, où t'as un énorme pénis d'éléphant qui rentre, et ils sont là, genre, oh mon dieu, non, le coït peut durer 3 heures, il faut le faire jouer très vite. Putain. Et donc, t'as Sacha Baron Cohen qui branle un éléphant à l'intérieur du vagin d'un autre, pendant que l'autre personnage, le chauve dont j'ai oublié le nom, il le fait pas, mais c'est quand il dit mets ta langue dans l'urètre parce que ça va le faire jouer plus vite. Voilà. C'est Ben Kingsley. Non, c'est Ben Kingsley, ce serait horrible de le voir dans un vagin d'éléphant. C'est une redite parce que dans The Dictator, je sais qu'il y a un accouchement et qu'il y a un plan aussi du vagin. Oui, il fait tomber son téléphone dedans. Ouais. Voilà, ouais. Et en fait, c'est là où ils se prennent la main et en gros, voilà. Mais ça, c'est une super scène de The Dictator d'ailleurs. C'est une belle scène d'amour. Mais c'est une belle scène d'amour. Dans un vagin. Dans un vagin. Mais aussi, t'as. C'est très dur là quand même d'avoir envie de voir le film. Eh ben, t'as au moins envie de voir la scène. Ouais. Ah bah oui, moi je veux la voir la scène. Anne-Sophie, est-ce que tu as vu ou lu ou écouté quelque chose de cool récemment? Netflix. Alors moi, je suis un peu en retard parce que j'achète les DVD. Sur Napster. Mais tu peux dire des vieux trucs. Hein. Non, mais là je viens de finir Love, donc série de Judd Apatow, et c'est bien. Mais vraiment, j'arrive pas à en parler pendant 10 minutes parce que je me dis, c'est bien, les personnages, ils existent, les arches sont bien faites, super, tu passes un bon moment, mais c'est bien. C'est un plat de pâtes, quoi. Ouais. Mais non, mais. T'es content de le manger, mais après, tu vas pas passer des heures non plus à. Ouais, je suis un peu déçue de ressentir ça, tu vois, parce que je suis quelqu'un d'hyper enthousiaste. Donc voilà, en plus, je voulais pas vendu. J'aimerais qu'il y ait des gens qui me disent, je l'ai vu, c'est génial. Non, et on l'a vu, en fait. On en a parlé. Ah, vous en avez beaucoup parlé. On en a déjà ici. Parlé, on n'était pas du tout d'accord avec Adrien qui lui a pas trop aimé. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est, moi, en fait, je me suis rendu compte, je l'ai beaucoup défendu. Mais c'était déjà par plaisir de contradiction avec Adrien. Et en fait, c'est vrai que je m'en souviens pas des masses, en fait. Enfin, je l'ai maté il y a pas si longtemps et j'ai pas. J'ai fini la semaine dernière. En fait, il me reste quasiment rien. À part le personnage masculin que je trouve très attachant et elle, pas tellement, en fait. Ouais. Enfin, il me reste pas grand chose. Donc voilà. Ce que je suis en train de voir en ce moment, et en fait, je crois que c'est une très mauvaise idée, c'est American Horror Story saison 4. D'accord. Donc Freaks. C'est celui qui se passe dans, dans le cirque. Et en fait, vraiment, autant je suis fan de films d'horreur, je m'endors en regardant les films de zombies, etc. Il y a aucun souci. Mais celui-là, ne le regardez pas avant de vous coucher, vraiment, parce que c'est beaucoup sur la mutilation, sur les amputations, sur les malformations. Ouais. Et c'est un petit peu anxiogène. Est-ce qu'il y a un mec qui chie dans le ventre de sa mère? Il se chie littéralement dessus, je te jure. Moins bien. Qu'il le refuse dans le cirque, en fait. D'accord, okay. Mais alors, vous savez mon amour du cirque? Et bien sûr. Tout le monde. Alors, Nicolas Elberno, hein, qu'on peut retrouver à Pinder. Vous ne voyez pas, mais il a un t-shirt avec un trapèze dessus au moment où il parle. C'est vrai. Il est actuellement sur un monocycle, ce qui est très chiant pour le son. Et ce petit singe qui Et je jongle avec ce micro. Et une autre référence. Effectivement, cette saison, elle est folle, mais elle est folle parce qu'elle est presque historique, en fait. C'est l'histoire du cirque Barnum. Et donc, c'est exactement comment s'est construite la troupe du cirque Barnum, qui était presque une société marginale dans l'Amérique des années 30. C'est les X-Men. Mais ce qui est flippant, c'est qu'en termes de casting, ils ont pris vraiment, pour les trois quarts des acteurs avec les réelles difformités qu'on voit dans la série. Et il y a Jessica Lange dedans qui est incroyable. Et puis, pour le coup, n'a pas de difformité. Pour le non. Coup, ouais. Dans la série, si. Oui, elle en a une. Oui, c'est vrai. Et en plus, c'est très bizarre. Ils ont coupé un bras pour le bien de la série. Non, mais c'est toujours aussi beau. Rien que le générique, pour moi, est une œuvre d'art. Vraiment. D'accord. Ouais, c'est vrai. Il faut le voir. C'est sublime. C'est toujours aussi beau au niveau du scénario. C'est incroyable. Les acteurs sont incroyables. Tout ça. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est juste, évitez de le regarder avant de vous coucher. C'est la dernière saison ou c'est le truc avec Lady Gaga? Non. C'est Lady Gaga la dernière. Et celle-là, vraiment, j'ai regardé un épisode. Ouais. Et c'est pire que celle du cirque. Ah, c'est horrible. Ah ouais? Ah, c'est horrible. Bah, ça commence quand même, il y a un mec qui se fait goder par une espèce de truc de forage en fait. Voilà. Bon, c'est un jeudi soir quoi. C'est c'est Auschwitz. Pour toi, c'est un jeudi. Et si un autre truc dans lequel je voulais, duquel je voulais, auquel dont je voudrais parler. Pour lequel je voudrais parler. Yes. Ce qui tout marche. Voilà. Et c'est, j'ai vécu un truc incroyable. Alors, c'est à New York. Bon, ça fait la meuf qui se la pète. Mais pas du tout. T'as New York. J'ai pas honte, quoi. C'est la première fois que j'y allais. J'étais comme une enfant. Ouais, c'est normal. Et j'ai fait Sleep No More. Voilà. Et c'est incroyable. J'en ai entendu parler que de façon dithyrambique. Alors, en fait, c'est un immeuble. Le dégoût. Non. C'est vraiment, c'est dans un immeuble. 5 étages, entre 7 et 10 pièces par étage. Voilà, faites un petit calcul. Et une pièce de théâtre se joue à l'intérieur. Et en fait, tu fais partie du... Tu te balades où tu veux dans le décor et tu fais partie de la pièce de théâtre. Mais tu ne participes pas parce que tu as un masque blanc. Donc en plus, c'est un masque avec un bec comme d'oiseau. Tous les spectateurs sont comme ça. Ils se baladent où ils veulent. Les acteurs... En fait, c'est comme si tu étais dans un film et que tu étais la caméra. Donc tu suis les personnages, mais les acteurs. Mais si t'as envie de partir dans une autre salle, tu peux toucher à tout. C'est tu génial. Peux t'asseoir avec les comédiens. Tu peux participer, tu peux pas parler. Ah oui. Et non, t'es là, mais au bout d'un moment, t'as l'impression que t'es un fantôme. Tu perds les gens avec qui tu es parce que tout le monde se ressemble. On a tous un masque. Et ça dure entre 2 heures et 3 heures. Tu ne sais pas combien de personnes sont là parce que c'est immense et c'est sublime. L'histoire se passe dans les années fin des années 40 et les décors sont fous quoi. Alors tu dis que on a l'impression d'être un fantôme. Moi j'ai la copine de Patrick Beau, un pote, voilà, qui est déjà venu. Ils l'ont fait et en fait une fois de temps en temps, en l'occurrence c'était une des comédiennes, elle a pris donc la copine de mon pote à partie, elle l'a emmenée dans une espèce de cabane où elles étaient toutes les deux et elle lui a fait une espèce de danse chelou machin. Des fois il y a une vraiment fait doigter dans un bar chelou. Et ça arrivait à Dedo. Patrick. Non, s'est fait doigter, oui. Non mais Dedo a vécu la même chose. Il s'est fait prendre à partie tout seul. Et moi je l'ai vu, quelqu'un a été pris à partie. Et nous en fait, on est comme des cons derrière, tous agglutinés autour de la cabane à essayer de regarder dans les petits trous ce qui se passe et tout. Il y a un côté super glauque et en même temps c'est fascinant. Tu vois, il y a je vous dis juste une pièce parce que c'est la plus impressionnante, vraiment. Après, il faut n'hésitez pas à y aller. C'est le truc à New York. Faut le vivre. Mais à un moment, tu rentres, c'est une pièce, et en fait, c'est pas une pièce, c'est un cimetière. Mais c'est vraiment un cimetière avec des tombes. T'as une espèce de petite ambiance comme ça, de la fumée terre, par terre, de la terre, des croix, et t'avances, tu vois pas grand chose, et c'est immense. Des et c'est sublime. Des bières, et alors, j'ai appris qu'il y aurait. Éventuellement un sixième. pardon. Non, mais... Il faut pas que j'aille... mais qu'il y avait un sixième étage. Il y a une pièce, oui, il y a une pièce secrète, mais... je crois. Enfin, et il... personne ne l'a vu encore. Enfin, moi, je connais personne qui l'a vu. Je sais pas. Il paraît que, si tu te démerdes bien et que tu trouves les bons trucs, machin, tu peux accéder à un truc secret, il paraît. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Écoutez, en thème, j'avais une idée. J'avais une idée de thème et je voulais en parler un peu avec vous autour de la table. Je voulais parler des gens bien. Le terme « être quelqu'un de bien », parce que j'ai l'impression que ça veut tout et rien dire. Oui, parce que chacun de bien. C'est qui, ça? C'est Kent. Faux. Juste quelqu'un de bien. Non, c'est une meuf. Gilles Kaplan. Ouais. Gilles Kaplan. Non, pas du tout. Baptiste Le Kaplan. Mécano? Non, c'est pas Mécano. C'est du Méconium qui a mangé Adrien. C'est Kent qui a écrit. C'est Kent. Et il l'a repris après. C'est pas un truc genre « au petit bonheur ». Je suis loin avec Mécano. Juste quelqu'un de bien, je crois que c'est l'ex-femme bonheur, de Kent. C'est un garçon. Hein. Mais c'est Kent qui c'est a écrit Enzo, apparemment. Enzo. Et il y avait Kent. Bah, au petit bonheur, c'est quand même ballon. Enzo, petit bonheur. Enzo, petit bonheur. C'est un vrai groupe, au petit bonheur. Bah, oui. Je suis sûr que ça existe comme ça. Si, bien sûr. Au petit bonheur, c'est eux qui ont écrit Jeudi Soleil. Ok, j'ai rien. Oui, exact. Ah oui, d'accord. On croit que c'est les négresses vertes. Ah oui, c'est vrai. Petit bonheur. Exactement. C'est la musique de mon spectacle. J'aurais dit, tout se recoupe. Tout se recoupe. Et ben voilà. Mais je voulais pas spécialement parler de Enzo ce soir. Ni de ton spectacle. Ni de mon spectacle. Non, mais parce qu'en fait, je me disais avec les invités autour de la table, Simon, toi, toute ta série parle de quelqu'un qui est un peu entre le bien et le mal et qui sait pas trop choisir, j'ai l'impression. en tout cas, où tu me regardes avec un regard qui inverse. Non, parce que j'essaye de rendre ma réponse pertinente. D'accord, ok. Aïe. Mais t'es pas trop en désaccord avec ce que j'ai dit, j'ai pas dit de trop grosses bêtises. Non, c'était pour en mon fait, égo que je disais ça. Oui, non, ça parle de quelqu'un qui veut trouver sa place, en tout cas. Ouais. Et qui, pour trouver sa place... En fait, le fait qu'il soit le fils d'un bon et d'une mauvaise, ça fait que c'est une manière de symboliser qu'il faut régler des choses avec soi-même et faire face et accepter et se libérer de beaucoup de choses pour trouver un équilibre. C'est ça, en fait. C'est trouver un équilibre, a priori. Mais d'accord. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Je ne sais pas, je pense, oui. Moi, dans tout ce que je fais, j'essaie justement de rendre hommage aux gens bien. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on en parle plus. C'est-à-dire qu'on justifie trop. Non, j'arrive pas à trouver ce mot. T'inquiète, glorifier le montage. Ouais, on va glorifier le connard. En fait, je trouve que les gens n'ont même plus à se justifier d'être con. J'ai croisé un connard récemment, vraiment. C'est-à-dire que j'ai discuté avec un connard. Non, mais cette phrase est troublante parce que je vous jure que c'est vrai. Le mec, c'était dans une soirée, je me suis dit, bon, je m'ennuyais, j'étais sur le canapé, je parle à la personne à côté. Et il me dit, ouais, de toute façon, je sais, je suis un connard. Et en fait, tu sais, alors déjà, tu te dis, ok, donc le mec est dans la provoque, hein, ça va être sympa, la discussion va être sympa. Et en fait, je pense que ce mec était vraiment persuadé d'être un connard, qu'il était très fier de ça. Ouais. Et je pense que ce qui différencie le connard du reste du monde, c'est que le connard ne connaît pas la culpabilité. C'est ce sentiment de se dire, putain, j'ai fait ça, c'est pas bien, tu vois. Non, lui, il est persuadé tout le temps d'être dans le juste, ce qui fait, c'est moi d'abord, c'est pour ma gueule. Et quand tu vois aujourd'hui que ces gens-là sont glorifiés vis-à-vis des jeunes, je me dis, putain, mais non, il faut revenir à la base, vraiment, en fait. Un connard, c'est pas... Enfin, j'allais dire, c'est pas quelqu'un de bien. Oui, non, mais en fait, c'est pas bien, c'est mal, c'est caca. Tu vois, t'as envie de leur dire ça. Enfin, j'allais dire, c'est la base. Ouais. Être bien, c'est être bienveillant, vouloir du bien aux gens. En fait, ça devrait être la base. Et si ça n'est plus. Et tirer même du bien de ça, en fait, même. Enfin, en soi, ça fait du. Enfin, tu peux être très égoïste dans le sens vouloir faire des choses bien pour les autres, tu en tires quelque chose de positif. Je sais pas, parce que moi, je différencie la bienveillance de la gentillesse. Oui, souvent, la gentillesse, voilà, ça peut être même hyper égoïste. Oui, vouloir faire du bien aux gens, c'est parfois parce qu'on n'arrive pas à se faire du bien à soi-même et puis qu'on a envie de réparer des choses qu'on n'ose pas affronter de soi-même. Et. Ça peut paraître très bizarre, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dangereux d'avoir affaire à des gens qui veulent à tout prix faire du bien, répandre le bien, parce que je pense que l'équilibre, il est très important à avoir. Je pense que quelqu'un qui donne plus aux autres que ce qu'il donne à lui, sans devenir un connard égocentrique, hein, évidemment, parce que c'est pas le but, et de se couper de ses émotions, justement. Mais je pense qu'il y a un vrai équilibre, et que quand on donne énormément et quand on projette énormément sur les autres, c'est que, bizarrement, il y a un truc à régler. Et que c'est pas forcément bien d'être aussi aidé et pris en charge par quelqu'un qui veut le faire. D'accord. Mais moi j'ai l'impression que la bienveillance c'est pas forcément une action. Ah oui, voilà, c'est. C'est-à-dire que la bienveillance, moi je suis d'accord avec toi, Sophie, c'est je trouve que la bienveillance c'est juste prendre conscience qu'il y a d'autres personnes autour de soi et accepter que leurs actes existent et être bienveillant, je pense, c'est faire en sorte de pas empêcher qu'ils puissent le faire si ça ne nuit pas aux autres. J'ai l'impression que c'est ça. C'est, la bienveillance, c'est pas forcément répandre le bien, c'est pas forcément être dans une espèce de truc un peu comme tu dis. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que ça crée il y a des gens qui se valorisent par le bien qu'ils font et qui essayent de trouver une importance et un rôle dans la société en disant voilà, bah moi au moins je fais des choses, je vais dans le bon sens. Ouais. Ça, c'est la bien-pensance. C'est la grosse différence entre vouloir du bien et vouloir faire le bien. Ouais, voilà. Donc je suis d'accord avec toi. Il y a pas d'action. Je crois que la bienveillance, c'est ne pas vouloir de mal. Mmh. Voilà. Pour moi, je crois que c'est. J'entends la bienveillance par le fait de ne vouloir aucun mal à la plupart des gens. C'est pas juste de l'empathie, du coup. Ça passe par là. Hein. Les gens bienveillants sont les gens empathiques. Oui, voilà. Parce que le délire de pas vouloir faire de mal, je pense qu'il y a plein de gens égoïstes qui font beaucoup de mal aux gens, à d'autres sans vouloir, en fait. Oui, mais ils s'en foutent, ils culpabilisent pas s'ils en prennent conscience. Non, mais ils en prennent toujours conscience. Il y a plein de gens, ils s'en foutent. D'accord. Ça, non, c'est pour moi, je m'en fous. Mais la bienveillance, par exemple, ça rejoint le personnage de John dans HeroCorp. C'est parce qu'on a conscience qu'on a une part de nous qui n'est pas bienveillante ou qui n'est pas gentille. Ouais. Et je pense qu'effectivement, on est plus fort de cette connaissance-là que de croire que de croire qu'on est des êtres purs. Parce qu'on sait à quel point c'est dangereux de basculer dans ça. Je pense qu'il faut quelque part y être allé pour savoir qu'on n'a pas envie d'y retourner. Oui. Pour en dire... tout cas, y faire face. Je pense que c'est bien de faire face à ces démons pour vraiment les identifier. Et en fait, apprendre à vivre avec, à cohabiter avec. Mmh. C'est-à-dire que si tu veux combattre une partie de toi que tu estimes, toi, par culpabilité, être une part sombre, je pense que là, tu pars dans quelque chose qui est très mauvais pour toi. Oui. Mais sauf c'est si ça, après, ta part sombre, c'est tabasser des clodos, et pas y aller à fond, non plus. Non, mais après, savoir C'est une richesse parce que ça permet aussi de relativiser le mal qu'on peut penser de quelqu'un. C'est-à-dire que si, sans être justement dans le cynisme de dire « Ouais, je suis un canard, ouais, je sais. J'ai pissé dans ton thé, bon, je suis comme ça. » Chier dans tes chaussures. Ouais, je suis un peu entier, tu sais, comme ce terme de... Ah, alors oui, on pourrait en parler, ça, je déteste. Genre... Non, excuse-moi, je suis honnête. Ouais. Moi, je suis honnête. Je suis quelqu'un de franc. Non, moi, je dis ce que je pense. En fait. t'es juste mal poli, en fait. Je suis sans filtre et honnête. Ouais. Du coup, je hais tout ce que tu es. Voilà, personne n'a demandé ton avis, donc t'es juste odieux en fait. Mais je pense que ça permet de relativiser le mal qu'on peut penser des gens. Après, ça sous-entend pas qu'on va agir dans le sens du bien de tout le monde. Parce que déjà, c'est quasi impossible et c'est épuisant. Mais je pense que c'est essayer de combattre, de trouver cet équilibre pour au moins être une personne. Dont le contact, en tout cas, fait du bien. Je sais pas si c'est clair. Mais je pense qu'on a une forme de radar à ça. Oui. Je pense que quand on voit quelqu'un de bien, je pense que c'est ce que tu veux dire, la définition que tu en as toi, on le ressent, en fait. Ouais. Moi, je sais que je ressens quelqu'un de bien. Quelqu'un qui ne dégage rien de négatif, en fait. Je pense que c'est un truc qui est assez organique, bizarrement. Effectivement, ça ne se feint pas, ça. Quelqu'un de bien, et j'ai même envie de dire, c'est un bon témoin de là où t'en es avec toi-même, en fait. Parce que je pense que si tu fuis les gens bien, si tu les trouves chiants, si tu les trouves pas intéressants, et que tu vas justement te confronter que à des gens qui sont potentiellement capables de te faire du mal, c'est que toi, t'as un problème avec toi-même, en fait. Alors, je vais un peu loin dans ma pensée à moi. Vas-y. Non. Quand tu dis gens bien, c'est des gens qui te veulent du bien ? Non. Parce que comment tu définis, justement... C'est con, mais il y a des... je connaissais pas, par exemple, McFly. Ouais. C'est un type, t'arrives dans une pièce, il est là. Ouais. Tu sens qu'il est gentil. Tu lâches toutes tes défenses. Tu sais que je sais pas. Tu sens comme un truc animal que c'est un gars bien. Alors après, je connais pas sa vie, je connais pas. Et puis c'est atroce. Il tabasse des clodos. Et peut-être que dans ma sensibilité à moi, c'est ce qui me rassure. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est on a un radar à ça. Ouais. Après, je vois ce que tu veux dire, mais ça vient avec l'âge. Hein, j'ai l'impression ce radar-là, non ? Moi, je pense que je suis vachement plus réceptive à ça en vieillissant. Je l'étais beaucoup moins avant. Je mettais plus de temps à... Ouais. Et puis je pense aussi que l'importance que tu mets dans la personnalité des gens aussi a plus de... Moi j'ai traîné, et même je pense j'ai été un connard pas mal en voulant être marrant. Genre j'étais horrible avec des gens parce que je trouvais ça drôle et ça me rendait un peu populaire. Je parle surtout aux années lycée, là, je remonte vraiment. Mais au début, quand tu es aux années lycée, les gens les plus populaires sont... Je fais peut-être une généralité, les baltringues, les gens vraiment méchants, les gens un peu. Ouais, voilà. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en fait, tu te dis, mais en même temps, faut être gentil, c'est mignon, c'est bisounours, c'est un truc quand on est enfant, la gentillesse, ça va, faut être gentil, c'est un truc d'enfant. Exactement. Là, je suis ado, la gentillesse, j'ai compris ce que c'était, je m'en fous, moi je veux être marrant, je veux être populaire, je veux que les gens ils me kiffent, et c'est pas en étant gentil que les gens me kifferont, donc machin. Et en grandissant, tu te dis, bah en fait, peut-être c'est plus intéressant en fait. Mais j'ai l'impression que justement, la gentillesse, c'est une convention, c'est une politesse, alors que la bienveillance, c'est une lutte, c'est une lutte envers soi d'abord. C'est, si on est bienveillant envers soi, et là tu prends un très bon exemple de McFly, qui est quelqu'un qui essaye au maximum d'être réceptif à ce qui est positif, qui en fait même un credo, et qui essaye justement de... quand il sent une part un peu sombre chez quelqu'un, alors qu'il sait que le fond est bon, il va sûrement dégager de lui-même quelque chose qui va un peu plus s'ouvrir pour que tu te dises « Ah oui, ça va, je peux me rassurer sur la condition humaine, sur les hommes, au sens large du terme, parce qu'il existe des gens comme McFly, effectivement, qui peuvent avoir des côtés méchants par accident. » Oui, sombres, mais pas comme tout le monde. Mais qui n'ont pas une once de calcul et qui n'ont pas une once de méchanceté, effectivement, ancrée en eux, de volonté de nuire. Ils vont être toujours un peu surpris de t'avoir fait du mal, ou d'avoir fait du mal, et je pense que les gens bienveillants, c'est des gens qui, quand ils ont fait du mal et qu'on leur... met un peu le nez dedans. Il culpabilise. Il va sentir très mal. Ouais. Vraiment, je pense. Je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai agi comme ça, mais je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde de ça. Ouais. Et je pense que oui, ouais, je crois que c'est peut-être qu'avec l'expérience, c'est un peu comme même en amour. C'est, je sais pas si on réussit mieux ces histoires d'amour, mais je crois qu'on réussit mieux ces ruptures. Et je crois que la même chose, c'est un peu la même chose dans le rapport humain. C'est-à-dire que je crois qu'on arrive un petit peu plus à reconnaître quand on a fait de la merde, si on est dans le sens de la gentillesse et de la bienveillance. Ça veut pas dire qu'on est que gentil tout le temps. Enfin, j'ai l'impression. Oui. Parce qu'on peut être hyper bienveillant en n'étant pas forcément gentil, parce qu'on n'a pas les codes, parce qu'on est maladroit, parce qu'on ne sait pas faire, on ne nous a pas appris à dire voilà, je t'aime, je suis. Tu vois. Mais oui. On est foncièrement bienveillant dans le sens où on sait le bien du mal. Quand tu parlais des années collège, moi j'étais vraiment la justicière. D'accord. C'est-à-dire, je ne supporte pas qu'on s'en prenne à des gens. Qui ne méritent pas, qui n'ont rien fait, etc. Et j'ai jamais compris. J'aurais aimé que tu sois dans mon collège. Mais ouais, mais je te jure. Parce que moi, le justicier, bah, c'était Monsieur Collard, et quand tu vas voir Monsieur Collard, bah, c'est encore pire. Donc... Bah, moi, j'avais de la chance, j'étais justicière et j'étais populaire parce que j'avais une sœur jumelle. Si j'avais pas été, d'accord. Je m'en serais pris plein la gueule parce que j'ai justement. C'est vraiment un truc de super-héros. Genre, on était deux jumelles, donc forcément. Non, mais tu t'en prends. On sauvait un peu la vie. Tu es moins victime, tu vois, quand t'es à deux, on s'en prend au moins à toi. Mais je me disais, ces gens-là, par exemple, toi, tu culpabilisais pas en rentrant. Tu disais pas ce que j'ai fait, c'est mal, je suis une merde. Non, moi, j'ai fait même pire. Non, mais moi, je me faisais tabasser. Mais je faisais pire. Oui. J'ai fait pire. C'est en troisième, pour qu'on arrête de me tabasser, j'ai trouvé pire que moi, entre guillemets, à emmerder. Ouais. Et du coup, j'emmerdais ce gars-là. Et ça t'a rendu pas malade quand tu rentrais chez toi? Ça m'a rendu malade an après. En fait, sans faire ma causette, j'ai vraiment très très mal vécu les années collège. Et en fait, quand je me suis dit, ah, il y a une porte de sortie de cet enfer, ça m'allait très bien, en fait, sur le moment. Mais en vrai de vrai, au bout d'un an, je me suis senti très mal, parce qu'au lycée, mine de rien, bizarrement, juste changer d'établissement rend les gens beaucoup plus intelligents, parce qu'au lycée, vraiment, vraiment la troisième horrible, la seconde géniale, quoi. Et je suis allé voir le gars et tout pour m'excuser et tout, en fait, après coup. Parce que je me sentais vraiment très mal et parce que c'est une façon horrible de bouger ses problèmes. Moi j'ai vécu ça, j'étais populaire au collège et donc j'ai été un connard, un vrai connard. Et il y avait une personne où vraiment ça me faisait mal en fait de penser à ce que j'avais pu faire. Et j'ai eu par chance l'occasion en fait de le revoir longtemps après, de venir le voir. Et c'était terrible parce que je savais à quel point j'avais été horrible avec lui, parce que quand il m'a vu, il a fait un pas de recul. Oh, et donc quand je l'ai vu, je lui dis, mec, j'étais. D'où tu fais un pas de recul, putain. Ouais, déjà direct. Et tu l'as vu une teinte dans sa gueule. Baisse les yeux, fils de pute et tout. Et en fait, ça m'a traumatisé parce que je me rappelle de ce regard justement qu'il a eu sur moi quand il m'a vu. Donc je pense que pour lui, j'étais un des pires souvenirs de son collège. Oh, je pense. Et quand je suis venu le voir et je me suis, pardon, je parle pas dans le micro. Je suis venu le voir, mais vraiment en mode, mec, je sais. Ouais. Voilà, j'ai la chance en fait de pouvoir te dire à quel point je suis désolé, etc. Et j'étais vraiment content de pouvoir le faire, et je pense que ça, c'est un truc, si on a l'occasion, si on sait qu'on a vraiment fait du mal à quelqu'un, c'est jamais trop tard, entre guillemets. Voilà, il y a quelque chose, c'est pas pour faire de prosélytisme ou quoi que ce soit, parce que le mec il parle d'Auschwitz et après il va parler du judaïsme. C'est que ce qu'on appelle le grand pardon, ce qui est intéressant, c'est ça aussi, c'est le grand pardon, c'est le chemin du pardon vers les gens qui t'ont offensé. Et c'est un super film avec Roger Hanin. Exactement. Ouais. Hein, rappelons-le quand même. Et en fait, il y a aussi ce chemin d'aller se faire pardonner auprès des gens qu'on a offensés. Donc ça fait très biblique, très comme ça. Mais je crois que la bienveillance, c'est un peu ça. C'est aussi se dire, j'ai été effectivement un enfoiré, j'ai fait du mal, j'en ai conscience. Si j'ai l'occasion d'aller voir les personnes à qui j'ai fait du mal, ça c'est vraiment une chance de pouvoir le faire et Facebook, de le garder. Facebook maintenant permet de le faire. Moi je l'ai fait un mec que j'avais fait chier vraiment au collège et je lui ai envoyé un message sur Facebook. J'avais même payé 1 euro pour que ça arrive dans ses messages directs. Ah ouais, t'as été jusqu'à payer 1 euro. J'ai quand même allongé l'oseille. T'as vraiment le cœur sur la main. J'ai vraiment pas, j'ai pas vu à la dépense. Gandhi du tout. Gandhi le gars. Incroyable. Et le mec il a jamais répondu, mais bon. Mais je peux. Moi, tu l'as je crois qu'il l'avait vu parce que je crois que j'avais vu le truc. Mais après, je peux comprendre que t'es pas. Enfin, voilà quoi, t'es rien à dire à ce moment-là. Et mais c'est vrai que ça, pendant longtemps, je me suis dit, faudrait que je fasse ça et tout. Et du coup, je l'avais fait. Bon, je dis pas que ça a vraiment révolutionné ma vie, mais c'est une bonne chose à faire, je pense. C'est bien parce que moi, par exemple, il y a un gars qui m'avait beaucoup fait chier et je continue à penser que c'est un tas de merde alors que je suis sûr que demain, il m'envoie juste un message genre. J'ai peut-être été un peu con, je ferais en fait c'était pas grave, c'était juste un collégien en fait. Et maintenant j'arrive toujours pas à me dire c'était juste un collégien, bizarrement, mais c'est vraiment j'arrive pas à l'expliquer parce que évidemment c'est sûrement ça, je pense qu'il est beaucoup moins con aujourd'hui, mais s'il le dit pas, tu gardes cette image d'un gars bah, qui était horrible, qui a acheté ton cahier Star Wars par la fenêtre du bus. Wow, mec, descends, t'y es pas. En fait, c'est le principe d'un traumatisme, en fait. C'est le principe du traumatisme, c'est que c'est pas rationnel, quoi. C'est-à-dire que t'as, le truc, il est vraiment cristallisé dans ton cerveau comme un truc horrible, et tu peux pas genre réfléchir de façon rationnelle pour te dire, clairement, il a certainement évolué comme moi, quoi. Donc c'est pour ça que ça, je pense que, enfin, je sais pas si ça a fait du bien à ce gars-là que je lui envoie un message, mais possiblement, peut-être que ça, tu vois, si ça a un peu effrité un peu le traumatisme, parce qu'on était quand même plusieurs à le faire chier. Mais, bah ça va. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça se trouve, t'étais pas le pire. Il fait, oh non, mais lui, ça va, c'était juste le pauvre con qui faisait des blagues derrière. Peut-être. S'il y avait toujours ce pauvre con qui faisait des blagues derrière, t'avais le gros caïd et le petit qui. J'étais pas le gros caïd. Non, mais ça, je le savais. Mais en gros, c'est surtout le pote où tu dis, t'es vraiment pote avec eux. Juste parce, pour pas te faire taper, mais ça se sent tellement que t'es pas si loin de moi et t'as juste passé le truc. C'est ça, j'ai été ça en troisième, moi, justement. Genre, j'étais ça, moi. Vraiment, j'ai été ça cette année-là. Tu te mets un peu le cahier dans la poche avec trois vannes et du coup, c'est ce que je t'es dans la bande des méchants, mais alors tu dis, vrai, ça va, je suis le moins pire. Alors qu'en vrai, quand il est que avec ces cahiers-là au McDo et tout, c'est lui la cible, en fait. C'est lui la victime. Mais c'est vrai. Moi, j'avais pire du monde. Enfin, pire du monde. Non, mais en gros, un truc vraiment nul. Toujours Auschwitz. Ouais, toujours, ça reste quand même vraiment pire. Qui est vraiment pire. Non, mais il y avait mon voisin qui s'appelait Loïc. Je crois qu'on le vannait le gars. C'est un prénom marrant. Et le week-end, il était trop sympa avec moi. Genre, il venait chez moi et ils vont jouer aux jeux vidéo et tout. Et le lundi, à l'école, il était horrible. Et je me souviendrai toujours de cette scène où j'avais dit, j'avais pris mon courage demain, j'ai dit. Hey, mais t'es pas cool le week-end, t'es trop sympa et là t'es méchant avec moi. Et là il m'a dit ah non mais le week-end t'en parles à personne. Hein. J'ai fait là, c'est incroyable. Je suis la maîtresse de ce gars. C'est incroyable de voir à quel point les enfants peuvent être putes. C'est vrai. Ah ouais. Mais c'est incroyable. Moi je flippe tous les jours parce que j'ai un petit garçon. Je flippe parce que si je vois un gars emmerder mon fils, tu le défonces. Qui va avoir 5 ans. Hein. Ouais. Mais franchement, je pourrais le défoncer. Mais si le gars a 5 ans. Vraiment, même s'il a 5 ans. Et j'essaye tous les jours de faire en sorte qu'il soit pas un connard. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, c'est la question. C'est ça. Imagine, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris conscience que le connard dont on parle, c'est son fils? Nous, on parle, on n'est que des victimes là quand on parle. Ouais, moi j'ai été un connard, mais est-ce que tu peux te dire. Putain, mon gamin, mais j'aurais tellement honte, moi. Je pense qu'il se comporte. En fait, je pense que déjà, il y a ceux qui se comportent pas pareil à l'école et chez eux. Ça, c'est sûr. Et ceux qui étaient vraiment les gros gros. C'est ceux qui étaient vraiment les gros gros bourrins vénères. Je pense que quand t'es la famille, tu dis, bon, le fait qu'il emmerde d'autres gens, c'est pas le problème. C'est qu'il m'emmerde moi. Mais est-ce que les gros gros cons, parce que les gens qui font du mal aux autres, c'est quand même des gens qui ont souffert à la base. Leurs parents doivent être. Là, on parle d'enfants et d'adolescents. Après, il n'y a pas de règle universelle, je pense. Non. C'est vrai que souvent. Mais on parle pas de gens comme vous qui après avaient fait chier des gars mais qui avaient une culpabilité qui monte et tout ça. On parle de vrais gens qui ont fait chier des gens toute leur vie. C'est pour ça que je pense qu'on peut juger de la malveillance de quelqu'un un peu plus quand même dans le temps et à l'âge adulte. Parce que j'ai vu effectivement des gars qui avaient été atroces avec moi ou avec d'autres devenir des vraies bonnes personnes ensuite. Parce qu'il y a ce déclic de se dire j'avais des colères qui étaient orientées ailleurs. C'est pas où tu te construis. Donc moi, je pense que là, on peut vraiment se rendre compte de si quelqu'un est profondément un connard ou pas, c'est à sa capacité à se remettre en question. Oui, c'est ça. Ouais. C'est juste ça, à mon avis, plus que dans le temps et dans les faits, parce qu'on peut agir par survie, par peur, parce qu'on peut être complètement. Parce qu'on a été éduqué comme ça aussi, on n'a pas les codes. Et puis de se sentir. Missionné de je dois être comme ça, je dois vivre cette vie-là et sans forcément vouloir le faire. Je pense que quand tu peux t'en mettre en question, c'est déjà que tu as l'empathie qu'il faut. Et je pense que ça passe. Mais tu crois que l'empathie. Pardon, excuse-moi. Non, je pense que ça passe, ça paraît con de dire ça, mais juste présenter ses excuses, en fait, on en parle depuis tout à l'heure, et en fait, c'est vraiment un truc qui est très rare, en fait. Il y a vraiment peu de gens qui juste admettent leur tort et présentent leurs excuses. Parce que c'est à voir avec l'ego. C'est perçu comme une faiblesse, en fait. Oui. Et c'est rare. Moi, j'ai vu des gens, même des amis à moi, qui étaient clairement en tort et qui avaient vraiment. Et qui persistaient. Ouais. Au lieu de. Je leur disais, mais présente tes excuses, tout est fini. Ouais. Parce qu'en plus, c'est ça qui est assez beau en plus, c'est que la pire des merdes que tu peux créer. Ça peut vraiment se résoudre juste en présentant ses excuses. Il y a vraiment des gens qui ont beaucoup de mal avec ça. Il y a un truc Auschwitz de fierté. Auschwitz moins. Vraiment. Et tu t'admets d'avoir été une merde, enfin nulle quoi. Ouais, ouais. C'est... Et c'est dur de d'apprendre à se le pardonner, à pas culpabiliser, à plus culpabiliser, à avancer, à s'en servir comme une expérience. Mmh. C'est un cercle vicieux assez dégueu quoi, en fait. Quoi. Et tu peux vite basculer dans un truc de justement être un mec bien, enfin être une personne bien, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Oui, c'est ça. Ça veut dire un truc de. C'est juste toi, comment tu as perçu le monde étant enfant. Tu as dit, enfin, tu t'es dit que être un mec bien, c'était ça, donc tu te diriges vers ça, mais il y a plein de choix que tu fais qui sont pas tes choix à toi en fait. Mmh. Et, oh, oui. Et la notion de c'est bien, très en plus, c'est très, très subjectif. Exactement. Ouais. Pas, on parlait de famille, de clan. Il y a des familles qui disent, bah ouais, attends, si t'es invité chez des riches, tu voles, c'est normal, c'est bien. Ouais. Moi, non, mais, moi, j'ai été au parc avec mon fils. Il y avait une baston. Il y avait une baston de gamin. Il y a une mère qui a dit tape plus fort. Ouais, mais c'est tape beaucoup du fort. Ça. Tape plus fort. Ah ouais. Oh la vache. Mais ouais, mais tu vas taper, tu tapes plus fort. Putain. Mais putain. Tu vois, oui, il faut t'endurcir quoi. C'est tu parles de ça, moi mon père m'éduquait comme ça. C'était le côté, faut pas te laisser faire. Baisse pas les yeux. Si tu te fais emmerder, tu frappes le plus fort, etc. Donc tout, ouais. Je me suis battu vraiment jusqu'à l'arrivée au collège, tous les jours, parce que je croyais que là, j'étais dans la situation de, il faut que je me défende, il faut que mon honneur soit lavé. Pour rien, pour 20 centimes, pour un carambar, je pouvais péter le nez de quelqu'un. Et je croyais faire le bien. C'est-à-dire que ce que tu disais tout à l'heure sur le côté militant un peu de faire le bien, comme on peut le voir même pour des associations qui défendent les animaux, parfois vont aller dans une autre forme de violence, par exemple, c'est-à-dire de dire, putain, un mec qui a tué un phoque, il faut le tuer. Tu vois, ça, c'est un phénomène c'est dans la vie de tous les jours, mais c'est vraiment très visible sur Internet. C'est un peu l'horreur des gens qui se croient être du bon côté et qui du coup se disent « moi je suis du bon côté de la moralité, je vais me comporter de façon horrible ». Et il y a vraiment un truc du genre, et c'est un peu comme ça, on le voit sur Twitter, on le voit sur les réseaux sociaux, les gens qui vont vraiment s'acharner sur quelqu'un qui a fait une erreur, mais qui n'est pas forcément toujours une erreur vraiment incroyable, et quelqu'un qui a mal agi. Et t'as vraiment genre des milliers de personnes qui s'acharnent sur lui. Tu dis, mais en fait, tu fais pas le bien, tu t'acharnes juste sur une personne. Et t'es vraiment. Il y a vraiment des gens, je pense, qui sont vraiment dans les. Tu te disculpes de ouf. Qui sont dans les starting blocks, tu vois, de se dire, bon, j'ai vraiment inconsciemment envie de me comporter comme une merde. Je vais attendre de trouver vraiment une justification, une caution. Voilà. Ou alors, j'accepte pas ce que j'ai fait moi et je cherche tellement quelqu'un qui va faire un truc, lui, pour pouvoir lui. Et c'est vrai que ça se voit vachement dans les posts Facebook quand il y a des maltraitances animales. Il faut aller lire les commentaires de ces gens qui se croient vraiment des bonnes personnes en défendant les animaux. Tu dis, c'est les plus gros fous. Ouais. Je ne veux pas approcher ces gens, quoi. Genre, ouais, faudra les tuer. Faudra l'enfermer dans une. Des fois, ils sont créatifs dans les punitions qu'ils veulent afficher à un être humain. Tu fais, mais t'es fou. T'avais le gars qui avait balancé un chat contre un mur et filmé et qui disait, ouais, faudrait lui faire pareil et tout. Tu fais, oh, oui, mais vraiment, tu sens que les gens. C'est plus compliqué. Des détails de barbarie, en fait. L'argument, c'est de dire, bah ouais, mais parce que le chat, il est innocent. Oui. Et du coup, c'est à la hauteur de l'horreur. Et donc, évidemment, moi, je suis pas en train de dire, ouais, ça va. C'est qu'un chat, bordel. C'est bon. C'est juste de dire, bien sûr, le punir, bien sûr, utiliser la justice pour le punir et même faire de la tôle, pas de problème. Ouais. Mais c'est vrai que les descriptions de ce que les gens voulaient lui infliger, ça dépassait l'entendement de ce qu'ils pourraient même souhaiter à quelqu'un qui aurait fait quelque chose à plus grande échelle. Non, mais ce que tu disais avec ton père qui t'avait éduqué comme ça, ça me rappelle une anecdote quand mon grand frère était bébé, il avait mordu un enfant au bac à sable, et la mère du gamin était allée voir ma mère en lui disant, bon, écoutez, maintenant mordez votre fils, parce qu'il a mordu mon gamin, donc pour lui apprendre, mordez-le. Ah donc oui. Ma mère a dit, bah déjà je suis saine d'esprit, donc je vais pas mordre un bébé. Écoutez, il y a déjà mon deuxième fils qui vient de me chier dedans. À l'heure où on parle, j'ai des extrêmement et pas les miens. Donc quand même pas ça à faire. Non. Et ma mère disait, mais comment vous voulez que je lui apprenne que mordre c'est mal si moi sa référence en termes d'exemple et tout, je lui fais. Moi j'ai des souvenirs. j'ai des souvenirs de mes parents qui me disent des trucs vraiment où ils essaient de m'apprendre un truc et que c'est un peu fait à l'arrache, tu vois. Encore une fois, mes parents m'ont eu jeune, mais de voir où ils voulaient en venir et du coup d'être cool, genre d'être tu vois, genre ma mère disait, faut t'excuser sauf si la personne elle est vraiment méchante. Et dans ce cas-là, là, faut pas t'excuser. Donc, c'est super flou quand t'es enfant. Tu fais genre. Mais le problème, c'est que c'est une énigme de dingue. Bah oui. Moi, quand mon fils rentre et qu'il m'a dit machin, il a dit ça. Machin, il a fait ça. Machin, il a le droit de faire ça. Bah, ouais. bah, qu'est-ce que je lui réponds, quoi. Ouais. Par rapport au fait que lui, il peut pas le faire. Et ben lui, c'est son choix. Lui, ses parents, ils font ça. Lui, chez lui, les règles, c'est comme ça et tout ça. Ouais. Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que il faut filer un maximum de clés. J'ai l'impression que si tu reçois un maximum de clés très tôt, avec des limites, et ben je pense que tu peux te forger une vision de toi qui est saine, vu que t'es pas en manque. Et donc, du coup, ta vision du monde se fait après correctement. Et puis, moins tu as les bonnes clés, plus t'es bancal et plus tu peux te perdre, en fait, dans plein de chemins. Moi, sur la notion de quelqu'un de bien, c'est quand tu disais, lui, ça se sent, on le sent de plus en plus et tout. Moi, j'ai l'impression qu'on définit quelqu'un de bien par rapport à nos critères, à notre cercle, à notre endroit de la société. Ouais. Enfin, du coup, en fait, on dit quelqu'un de bien. Je pense que peut-être là, plein de gens trouveraient des arguments pour dire qu'on est des sales merdes. Oui. Mais nous, entre nous, non mais c'est vrai. Ouais. Bah, qui viennent déjà. Ah ouais. Tu crois au lieu de parler derrière leur écran, qui viennent. Non mais sauf. Sur 35. Non mais quand je dis ça, c'est sauf. Je pense sur les choses fondamentales, c'est qu'on veut de mal à personne. On va pas agresser quelqu'un dans la rue. On va pas être. Ouais, mais il y a des gens qui s'en foutent. Ah ouais. Il y a vraiment des gens qui s'en foutent. Quand tu leur parles, dis non, moi, c'est moi et mon entourage proche, les autres, je m'en bats les couilles, machin et tout. Ils parlent comme ça souvent, ils disent je m'en bats les couilles. Ouais. Non, mais j'ai eu des discussions et je me disais vraiment, ça ne te fait rien. Si tu as blessé quelqu'un, ça ne te fait rien. Ah, mais il est entier. Me dit franchement, je m'en fous. Il est complètement coupé de ses Il est complètement. Vraiment. Mais ça, c'est très dangereux. C'est un connard intégral. C'est un sociopathe. Et il y en a énormément, vraiment. Ça, je pense. Sociopathe. Ouais, je pense qu'il y en a moins. Bizarrement. Ouais. Mais il y a aussi ça, c'est à cause de Vincent Cassel dans Mon Roi. Il a vraiment démocratisé ça. Non, mais, tu sais que le pervers, pour le pervers narcissique, j'avais fait des petites recherches là-dessus, et c'est vraiment une des particularités du pervers narcissique, si vraiment il existe, parce que c'est un terme qui a été galvaudé. Mais on peut dire un manipulateur maintenant. Ouais. Ouais. Oui. C'est un mais peu alors plus large, vraiment, ça les regroupe un peu tous. Voilà, parce qu'il y a quand même plusieurs formes. Mmh. Mais une des choses, c'est une psychologue qui disait ça, c'est vraiment pas de culpabilité chez cet être. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine chez quelqu'un. De se voir responsable, coupable, la cause de quelque chose. Ou il est dans le bien, c'est lui, il est dans le juste. Donc quelque part, il peut pas être conscient d'être un connard parce qu'en fait, il pense que c'est. Donc comme les psychopathes. Il avait raison d'agir comme ça. Les psychopathes ou les sociopathes, c'est-à-dire qu'il y a petite forme de psychopathe. Et le sociopathe, c'est le stade bien au-dessus, en fait. D'accord, c'est juste un degré d'intensité du pervers narcissique. Pour vous le visualiser, c'est le mec qui en soirée dit « Oh, ça va !» quand la musique est à fond, ou quand il a fait une blague qui a vexé tout le monde. Ouais. « Oh, ça va !» Oui, voilà. Ah, voilà. Il se matérialise vraiment beaucoup par le « Oh, ça va !» Non, mais c'est très con. Moi, hein, mais il le disait dehors, après. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ce « Oh, ça va !» Par exemple, il va renverser un truc, il n'est pas chez lui, et moi, plusieurs fois, j'aime bien le mettre le nez dans la merde. Ah, c'est les chopes à la nuque. Tu es la merde, non, mais, tu vois. Non, mais là, en fait, tu nettoies pas. Ouais. Oh non, c'est bon. Non, c'est pas bon, en fait. Tu nettoies, vraiment. Et heureusement, j'avais cette faculté-là quand j'étais gamine, parce que je te dis, j'étais aussi un peu costaud parce que j'avais ma sœur derrière moi, sinon. À leur mettre tout le temps le nez dans la merde en disant non, c'est pas bien ça. Ouais. Vraiment. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant. Bah oui. Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant, bourré d'anecdotes, un bon moment qu'on a passé tous ensemble. On pourrait en parler des heures. On pourrait en parler des heures. On pourra refaire une émission là-dessus. Mais pour le coup, de toute façon, moi, si je dois tenir une hebdo, il y aura des thèmes qui reviendront avec d'autres invités. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et je pense que chez elle, Navi se dit, mais d'où tu m'invites pas quand tu fais cette Alors juste ouais, je sais. Bah écoute, Navi, je m'excuse. Il n'y a pas que toi qui est gentil, ok. Simon, dans toi, le prime de Golden Moustache qui arrive fin mai, la saison 5 d'Hérocorp qui rentre en tournage avec Adrien Méniel. Alors moi, je voudrais juste te dire qu'on a très très mal commencé avec Adrien parce qu'il a insulté Tipeee, Tony Parker, qui est le modèle absolu. C'est vrai, il a pas insulté, il a mentionné, c'est un musical, tu as pris ça comme une insulte. Il y a eu un virage, ouais. C'est ouais. que il m'a fait parce que j'ai quand même passé une sale année et donc je peux pas non plus tout boire et tout manger, et c'est vrai qu'il m'a fait une infusion d'eau chaude à la menthe, la menthe des nems. Il termine par ça, et ben ça prouve que c'est quelqu'un de changé, ouais. Et que rien n'est joué dans la vie. Mais en plus, ça résume bien le thème de l'émission. Exactement. Voilà. Donc c'est quelqu'un de bien. Je l'ai vraiment fait uniquement pour qu'on mentionne cette anecdote. Ouais. C'était calculé, vraiment. Et c'est là où il est très fort. Et j'ai vu aussi que t'étais dans un film qui sort dans pas si longtemps. J'ai vu un truc passer. T'as dû retweeter quelque chose. Dans West Coast. Voilà. Bah oui, c'est vraiment, ça m'a fait vraiment envie. Ça a l'air vraiment cool. Ah ouais. Et c'est le premier film de Benjamin Veil qui est super. C'est le monteur de plein de films formidables qu'on a vus. Et donc, c'est ce type-là qui a fait son premier film, ouais. Et qui est un type formidable, et le film est très bien. Allez, bah, ça a l'air très cool. C'est des rappeurs, avec des enfants, ouais. Des enfants rappeurs bretons ouais, qui se prennent pour des gangsters. Ouais, oh. Ça a l'air vraiment sympa. Ça fait envie. Ouais. Et voilà, West Coast, les gars. Bra, bra, bra. Yes, I. Bra, peut-être encore papa. Deux bras, peut-être. Bra, bra. Yes. Ouais, Anne-Sophie. Moi, attends. Qu'est-ce que je... c'est la meuf qui arrive. Qui es-tu ? Quel est ton prénom ? J'ai saison 2 de La Petite Histoire de France. C'est ça. Voilà, qu'on va avec, tourner. Avec, entre autres, David Salle. Exactement, Alban Ivanov. J'adore. David Salle et François Levental. Mais oui, mais bien sûr. Mais je les aime. C'est mes bichons. Humainement, très bien. Ouais. Excellent. Ouais. Un chic excellent type. Acteur. Non, mais ils sont formidables. Il faudrait qu'ils viennent un jour dans le podcast. Il y a que des bons acteurs. Ouais, que des bons acteurs. Donc, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai j'anime la grosse émission. Cool. Les 15 bien, premiers ça. Jours de mai. Avec bah, je te regarderai. Ouais. Parce que je t'aime beaucoup. Ça va être drôle. Moi, j'adorerais, vraiment. Mais j'ai pas comédie. Elle est vraiment très drôle. Avec Aude Godigoubert. Je vais faire aussi des petits coucous dans l'hebdo show d'Arthur. Une nouvelle émission. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. D'accord. Donc voilà. Oui, ça, j'ai ça vu ça des va être... passer. Il y a plein de gens. Voilà. Dedans, bah écoute, moi, j'irai faire des coucous. J'irai m'amuser, faire de la rigolade. Cool. Et puis voilà. Et puis j'écris toujours mon film. Et puis voilà, plein de trucs. T'as de l'oseille, je pense. Est-ce qu'il y aura un top 3 de. Enfin, t'es une connasse. Non. Alors. De la femme farfaite, peut-être pas, mais la femme parfaite, peut-être. La femme farfadette. Oh, dis donc, le ouais, juge, là, le juge des mots. Alors, écoutez, le juge est parti, j'ai l'impression. Je suis un peu les deux. Ben, je suis un sniper, qu'est-ce que je te dise. Oh, y a pas pardon de... Mais donc, il y aura un top 3 À la base, il n'y a pas de tome 3. On attend pour faire. Il y a le tome 2 avec Margot Motin de la BD chez Fluide Glacial. Oh. Et on a toujours voulu faire La mère parfaite est une connasse, mais accessoirement, on n'est pas maman, ni ma soeur, ni moi, donc ça ne sera pas pour tout de suite. Et on s'était toujours dit qu'on ne le ferait pas sur le mec, mais en fait, on accumule tellement de choses que peut-être il y aura L'homme parfait est une connasse. Ah oui, très bien. Voilà. Parce que voilà, en fait, il y a de la matière. On s'était dit, on ne va pas le faire, puis en fait, c'est tellement drôle. Très bien. Et tu continues à jouer ton spectacle. Là, j'ai fini au point virgule. Donc Anne-Sophie Girard fait sa crâneuse, la meuf qui a une actu plus grande que la nôtre, que oui, mon one man show. Non, mais vraiment, en fait, vraiment en train d'enregistrer. Non, un vraiment, tout le monde se l'était, tout le monde se l'était dit en pensée. Non, c'est pas ça. Bien comme ça. C'est qu'en fait, je raconte que des trucs hebdo, que j'ai fait ou que peut-être. Mais en fait, je bosse pas en ce moment. Tu sais. Non, mais c'est vrai. C'est peut-être éventuellement dans 4 ans quand j'aurai un enfant. Non, là, j'ai fini mon one man show et je le reprendrai peut-être en septembre. D'accord. Okay. Voilà. Ok. Et puis moi, je suis parce que j'oublie toujours de dire ce que. Mais oui. Ah bah oui, c'est vrai. Rappelons-le. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus et puis merci encore et à très bientôt à la semaine prochaine normalement. T'es à Dinard toi, donc faudra qu'on s'organise mardi. Ok, très bien. Soyez sympa avec les gens. Soyez sympa avec les gens qui font des podcasts gratuits parce que c'est pas notre. Soyez bienveillants avec les gens aussi, avec les gens en général. Non mais effectivement parce que c'était un peu, on a pas mis de, je vais pas faire ma causette, mais en gros on n'a pas fait d'émission dimanche et il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont juste gueulé. Ah ouais. Et c'est pas méga agréable, c'est vraiment un podcast gratuit et c'est fou ça. Et surtout c'est pas notre activité principale, c'est vraiment un kiff qu'on fait de faire ça. Moi c'est trop un kiff d'inviter des gens autour de la table et de partager ça en radio parce que j'adore les podcasts radio et j'aimerais qu'il y en ait plus en France. J'aimerais vraiment que plein de gens en fassent, que je trouve ça vraiment cool. Merci beaucoup en tout cas, à très bientôt. Bisous, au revoir tout le monde. Bisous. Bye.